السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فموضوعنا اليوم حول علم الغيب. Donc nous allons voir avec l'aide d'Allah Azza wa Jal donc un sujet important qui concerne la connaissance de l'invisible. Concerne la connaissance de l'invisible. Fa al-ghaybu fi al-lugha ma ghaba 'anka mimma la ya'lamuhu illa Allah. Wa hadha yusamma 'ilmu al-ghayb ma'nan wa hissiyan. Donc dans la langue arabe, la science ou la connaissance de l'invisible est donc ce qui t'est caché ou ce qui t'est inconnu de ce que seul Allah connaît. Et on l'appelle aussi, donc ici, l'invisible ou le méconnaissable, qu'il soit donc bilma'na, dans le sens ou de ce qui est palpable, de ce qui pourrait être vu ou entendu ou touché ou autre. Al-Ghayb kadhalik fil-lugha كل ما غاب عن العيون وإن كان محصرا في القلوب. Aussi, toujours dans une explication dans la langue arabe, c'est que c'est tout ce qui sera donc méconnu vis-à-vis de ce que l'on voit. C'est-à-dire tout ce qui est connu face à ce que l'on voit, même si cette chose-là est dans le cœur. Donc même si c'est ceci, لكن قلبي. ويقال سمعت صوتا من وراء الغيب. Donc il est permis de dire dans la langue arabe j'ai entendu donc une parole ou un son ou une voix de derrière l'inconnu. Donc c'est غيب, c'est inconnu, mais nous pourtant on a entendu. Donc on voit ici que donc c'est ici. C'est ici, il y a une mine montée là à la rue, d'un endroit que je ne vois pas. Wa kadhalika al-ghiba, yani al-waqi'a, fil nas, yusamma, yani min al-ghib, min umur al-ghibiya, li'annaka waqa'ta fi shakhs ghaba 'anka fi hadha al-kalam. La même chose, al-ghiba, donc la médisance. Pourquoi on l'appelle al-riba? On voit qu'ici ça. Donc al-riba ou al-ghayb ont la même racine. C'est parce que tu mentionnes quelqu'un, tu vas parler donc sur quelqu'un alors qu'il n'est pas là. Alors qu'il n'est pas là. Wa khulasat al-qawl an al-ghayb fi al-lugha yutlaq 'ala kulli ma ghaba aw satara 'an al-'uyun sawa'an kana hissiyan aw ma'na. أو كان مما يجب الإيمان به أو مما لا يجب الإيمان به. Aussi, donc en conclusion, c'est que le ghaib dans la langue arabe, c'est tout, donc ça, on va le déterminer sur tout ce qui te sera invisible, que ce soit par rapport à ce qui est donc palpable ou sensationnel ou pas. Ou tous ceux dont la croyance en cela est obligatoire ou pas. يجب الإيمان به أو لا. وتعريفه في الشرع، تعريفه في الشرع ورد عن السلف عدة تفاسير، عدة تعريف لهذه الكلمة. Donc on voit que les deux prédécesseurs, رضوان الله عليهم, donc bien sûr en l'occurrence les compagnons du prophète et ceux qui les suivent, ورحمهم الله, ils ont donc plusieurs explications, plusieurs exégètes vis-à-vis de, du mot al-ghayb, vis-à-vis du mot al-ghayb. Et vous remarquez que de façon générale, lorsqu'on parle d'un mot dans le sens arabe, c'est-à-dire dans la langue, ou dans le mot char, donc dans la législation, on remarque que souvent char, donc c'est bien déterminé. Souvent, lorsqu'on parle de la langue arabe, c'est plus vaste, c'est plus large. Donc ici, on a quelques paroles au parlement du prophète, peut-être dans la langue. وأوله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال ما آمن مؤمن بمثل إيمان بغيره. Donc il a dit عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, le croyant n'a pas cru comme, donc n'a pas cru d'une croyance qui serait équivalente à la croyance de l'invisible, à la croyance du méconnaissable. ثم قرأ الذين يؤمنون بالغيب الى قوله تعالى ينفقون. Donc ici عبد الله بن مسعود, ce grand compagnon, donc cite après cette parole ceux qui ont cru en l'invisible, ceux qui ont cru ou ceux qui croient en l'invisible, jusqu'à la fin des versets que vous connaissez dans le début de la sourate al-Baqara. ينفقون, ils octroient, ils donnent. Vous voyez bien vous-même dans ces versets, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ce livre, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Donc, certes, un livre, voici un livre, dont nul doute sur ce livre, guidé pour les pieux. Et après, donc, bien l'explication, bien le textier de donc, ce verset-là. أَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Et Ibn Mas'ud décide donc bien que aucun croyant donc n'a cru, n'a eu une foi équivalente au fait de croire ou à celle du fait de croire en l'invisible. Et toujours donc ce que Ibn Jalal al-Tabari radhiyallahu anhu rapporte dans son tafsir de Ibn Abbas radhiyallahu anhu, lorsqu'il dit aussi donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala al-ladhina yu'minuna bil-ghayb, donc il dit ma ja'a anhu, يعني عن الله سبحانه وتعالى ما جاء عنه. Donc le texte ici d'Ibn Abbas, c'est ce dont est venu avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici on voit un texte qui serait plus vaste. Il n'y a pas de ta'arud, et on verra ça plus tard. Mais parmi leurs élèves, donc parmi les grands mufassirines, comme la parole de Qatada radhiyallahu anhu wa rahimah, الذين يؤمنون بالغيب قد آمنوا بالجنة والنار والبعث بعد الموت وبيوم القيامة رحمه الله. Donc il dit وكل هذا غيب وكل هذا غيب. Donc Qatada dans le texte de ce verset, de ces paroles là, ils ont cru au paradis, en enfer, à la résurrection après la mort, ainsi qu'au jour dernier. Et tout cela, donc, est le réel, est le méconnaissable, l'invisible. وكذلك المجاهد رحمه الله الذين يؤمنون بالغيب يقول يؤمنون بالله يؤمنون بالله. Donc, Mujahid dit ici, dans le texte de ceux qui croient en l'invisible, ils croient en Allah. وغيرهم من العلماء الذين فسروا هذه الآيات. Donc il y a bien sûr d'autres savants qui ont expliqué donc, ces versets. Wa ibn Atiyya rahimahullah dit donc hadi aqwal la tata'arrad bal yaqa'u al-ghayb 'ala al-jami'. Donc ces paroles-là ne sont pas en contradiction. Elles ne sont pas contradictoires, mais plutôt donc al-ghayb donc revient à toutes ces paroles. On retrouve al-ghayb donc dans toutes ces paroles. Et il y a une règle en tafsir, c'est que si plusieurs paroles divergent, mais qu'elles ne sont pas en contradiction, on les accepte toutes. On les accepte toutes. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner par rapport à cela. Voyantrasimu al-ghaib ila qismayn. Yantrasimu al-ghaib ila qismayn. Donc, l'invisible méconnaissable est divisant. On le retrouve ici donc en deux grandes parties. Al-ghaib al-mutlaq ou al-ghaib al-dafi ou al-nisbi. Donc, il est composé en deux parties. Et la première partie, c'est al-ghaib al-mutlaq, donc l'invisible qui serait absolu. Donc, c'est absolu. Et celui qui est nisbi, donc qui sera partiel. Dafi nisbi. Amma al-ghaib al-mutlaq ou al-ghaib al-ladhi ikhtassa Allah bihi subhanahu wa ta'ala. دون ما سوى من خطيه فلا يمكن لغيره ان يعلم هذا الغيب. Donc ici le ghaib al-mutlaq c'est l'invisible qui est absolu et cela est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc personne d'autre que lui ne peut en réalité donc connaître cela. Personne d'autre que lui ne peut connaître cela. Et on appelle donc ça الغيب المطلق. وقد ورد إثبات علمه له ونفيه عمل سواه في مواضع كثيرة من القرآن. Donc on voit ici un إثبات ou un نفي. Donc une affirmation ainsi que aussi donc une négation. Car Allah subhanahu wa ta'ala affirme que seul connaît donc ces choses-là et aussi que les autres ne les connaissent pas. Donc il y a une affirmation et il y a une négation. فَيَقُولُ تَعَالَى قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَى اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala donc dit nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah. Donc là on voit que Allah seul subhanahu wa ta'ala connaît cela. وَقَالَ تَعَالَى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Il dit aussi سبحانه وتعالى c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer, et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. وَيُمْكِنُوا أَنَّجْعَلَ عَلَى الْقِسْمِ إِلَى الْقِسْمَيْنِ. Donc ici, donc le ghaib al-mutlaq ici, on peut aussi donc le composer aussi. Le divisant en deux. Donc, comme si on dirait la taille Kuchita ou Kuchibé ou bien Kuchita ou Kuchibé. Al-Nawr al-Awwal, la première partie, ma warda annas al-sarih, bi-an Allah subhanahu wa ta'ala, qad katamahu ala khartihi, falan yadda la'alihi min siwa, wa la yumkinu an ya'rifahu ahad. Donc, ici, c'est dans cette catégorie-là, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala le dit clairement. C'est explicite, comme quoi personne donc, ne connaît cela. Et personne donc, ne peut connaître cela. Personne ne peut avoir donc connaissance et ne peut vérifier cela. Personne ne peut voir cela. Donc, la malak, muqarrar, wa la nabi mursal, ni un ange qui sera rapproché d'Allah, et ni un envoyé, donc qui, ou un messager qui est envoyé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vis-à-vis de cela, vis-à-vis des envoyés des anges, on verra ça, inshallah, demain, par rapport à cela, par rapport à leur position de la science de l'invisible, de la connaissance de l'invisible. Wa hadha mithlu 'ilm Allah 'azza wa jalla bi waqt al-majid ou bi waqt al-majid as-sa'a wa mafatih al-ghayb al-khamsa التي اختص الله بهما أو بها. Donc ici, parmi les exemples, c'est la venue de l'heure. Donc personne ne peut prétendre reconnaître la venue de l'heure. Celui qui prend très cela, donc, sort de l'islam. Et personne aussi ne peut prétendre, donc, de connaître les clés de la connaissance qui sont dans le 5, que l'on retrouve dans un verset que l'on verra plus tard, Inch'Allah. فكان الجواب أن علمها عند الله سبحانه وتعالى لأن كثير من الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة وغطوا donc énormément donc de questions vis-à-vis du prophète énormément donc les gens ont questionné le prophète صلى الله عليه وسلم vis-à-vis de l'heure. Le prophète صلى الله عليه وسلم a toujours donc renvoyé cette science à qui? À Allah سبحانه wa ta'ala. Donc il y a plusieurs versets, aussi des hadiths qui mentionnent cela. Et parmi les versets, yas'alunaka 'anissaa'a ayyana mursaa'a fima anta min dhikraa ila rabbika muntahaa innama anta munziru man yakhshaaha ka'annahum yawma yarawnaha la yanbithu ila 'ashyatin aw duhaa. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand viendra-t-elle? Quelle science en as-tu pour leur dire? Son terme n'est connu que de son Seigneur. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. Le jour où ils la verront, il leur semblera d'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala montre bien que même l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît pas cette terre. Alors que dire d'autre que lui? Alors que dire d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? وكذلك قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك خافي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ce verset aussi donc montre la même chose. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seulement Seigneur en la connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. L'ouvre, elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dis, seul Allah en a la connaissance, mais beaucoup de gens ne savent pas. Ne savent pas. Wa qala ta'ala, inna Allah 'indahu 'ilmu as-sa'ah. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala donc montre, et c'est ce qu'on appelle donc mafatih al-ghayb al-khamsa, donc les cinq clés de l'invisible. Donc la connaissance de l'heure est tout près d'Allah, et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice, donc la pluie abondante. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Et personne ne sait dans laquelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Donc cette catégorie, personne de parmi les créatures ne peut en vérité donc connaître cela. Et la deuxième catégorie, ma لم يرد فيه النص صريح على أن الله تعالى قد كتمه على خلقه. Donc ici, ce sont des textes où Allah Azza wa Jalla ne l'a pas explicité, ne l'a pas dit clairement que les gens, ou en qu'il avait surcaché, donc cela aux gens. هذا النور قد يطلع بعد خلقه على شيء منه كملائكته ورسله وقد أشار الله إلى ذلك في قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا سوف من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Donc voyez ici ce verset, Allah montre. Donc c'est lui qui connaît le mystère. Il ne dévoile son mystère à personne, sauf à celui qu'il agrée comme messager et qui fait précéder les suites de dernière vision. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala a permis à certains anges ou à certains envoyés de connaître certains points du domaine de l'invisible. Wa ma'a al-aya kama qala al-imam al-Qurtubi rahimahullah ay istafa lin-nubuwwah fa innahu yaqra'u على ما شاء من غيره بطريق الوحي إليه ليكون ذلك دلالة على نبوته. اصطفى للأنبياء. Donc Allah Azza wa Jalla a choisi justement donc pour ses envoyés, car il va leur montrer, donc à ses envoyés ce qu'il veut du domaine de l'inconnaissable par le biais de la révélation, afin que cela en réalité soit une preuve de la véracité de la prophétie. Cela en réalité va venir appuyer en réalité donc la prophétie. وقال تعالى ما كان الله لأذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث. Donc ici aussi toujours dans le texte, donc hein, حتى يميز الخبيث, et nous ce qui nous intéresse c'est ce qui vient ici. Donc وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يشتري من رسله من يشاء. Donc voici donc le témoin argumentatif. Et Allah donc n'est point tel qu'il vous dévoile l'inconnaissable, mais Allah choisit donc parmi ses messagers donc qui il veut. Il choisit parmi ses messagers qui il veut et il montre, c'est-à-dire donc à ses messagers aussi ce qu'il veut de cela. Fatihatayn ayatayn dalilun ala anna ar-rusul la ya'lamuna min al-ghayb illa ma ittala'ahum Allah 'alayhi li'annahum ayyiduna bil mu'jizat kama qala al-Qurtubi wa Ibn Kathir rahmatullah 'alayhim jami'an. Donc ici, l'imam al-Qurtubi et l'imam Ibn Kathir donc disent par rapport à ces versets, ces deux versets, que Allah Azza wa Jal, donc les envoyés d'Allah ne connaissent pas l'invisible, sauf ce dont Allah Azza wa Jal, donc leur montre. Et cela est pour appuyer, et en vérité pour justement, donc ils les aident avec des miracles, justement pour que les gens savent que ce sont bien les envoyés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ici on va donner un exemple. فصلة بمثال من مفاتيح الغيب الخمسة ومثاله في الرحيم. Donc nous allons parler de ma fi arham. Donc nous allons donner un exemple vis-à-vis de ce qu'il y a dans les matrices. هذا هو المفتاح الثالث من مفاتيح الغيب التي اختصر الله بها. فهو المختص وحده بعلم ما في الأرحام علما يقينا محيطا شاملا لكل لحظة وطور من أطول الجنين بخلاف غيره فإنه إن علم شيئا من أحوال الأجنة فإن علمه ظني قاصر غير محيط ولا شامل. Donc ici nous allons voir donc la troisième parmi les cinq donc clé de l'inconnaissable, c'est justement ce qu'il y a dans les matrices. Et on sait que c'est filmabda, à l'origine, seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît cela. Et la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de soi, c'est que c'est une connaissance qui est donc sûre, qui est complète. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes les étapes parfaitement et les changements de situation donc dans le ventre des mères, contrairement à autres. Et si la personne connaîtrait donc quelques points de cela, donc de savoir par exemple si c'est un garçon ou une fille, donc de savoir que maintenant il a 36 semaines, 32, 18, maintenant, mais son ça reste donc vaste, ça reste en fait général, ça ne reste qu'une partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala connaît donc réellement de cela. علم عجيب دقيق يدلنا على عظمة الخالق الذي لا يعجبه شيء. Et cette science, c'est en réalité donc une science qui est étonnante, précise, et nous montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont rien en réalité n'amène à la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. إلا أن يخرج من ظلمة الأرحام إلى نور الدنيا ومنها إلى ظلمة القبر حين يعود إلى أصل خلقته ثم يبعثه الله عز وجل من الأرض للجزاء والحساب. Donc cela en réalité montre la grandeur d'Allah عز وجل et sa sagesse aussi, donc sa sagesse qui est grande. لأن هناك كما يدل على حكمته البالغة حين جعل الإنسان يمر بتلك المراحل والأطوار. Lorsque l'on voit en réalité ces étapes Cela montre la grande sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il montre cela. Il sort donc ce djinn, ce fœtus, cet embryon, donc cet enfant qui est dans le ventre, à quoi ce bébé, donc à la lumière du jour, à la lumière de la vie ici-bas, pour après le faire revenir aux ténèbres de la tombe et pour le faire ressusciter afin qu'il soit bien sûr donc compté, afin qu'il soit ici donc il y aura chicelle, il y aura donc ici les comptes de ce que la personne fait dans la vie ici-bas. وقد أخبر سبحانه وتعالى في كتابه عن بعض علم ما في الأرحام من تلك المراحل والأطوار التي يمر بها وفيها من قبل خروجه وحجب عنها علم الكثير منها فلم يطلعنا إلا على الشيء اليسير وذلك في آيات كثيرة في كتابه. يرى سبحانه وتعالى nous a montré un peu de cette science, nous montre peu de cette science, ainsi que les changements, donc comment le fœtus, l'embryon, donc comment ici il va donc changer, donc comment va-t-il, il y a donc des étapes, donc pendant la grossesse. Il nous a montré que peu de cela. Il nous a bien sûr aussi donc, caché énormément de science par rapport à cela. وَكُلُّ تِلْكَ الْآيَاتِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ ذَلِكَ الطِّينِ وَقَرَّرَهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ. Et ce verset-là donc, nous montre comment Allah Azza wa Jal a créé l'insan, donc Mintin à l'origine. Donc, on verra ça le texte de Tin plus tard. Donc, et l'odeur en lui insufflant ce roh, cet âme. Donc, c'est le fait que l'âme arrive. Là, à ce moment-là, il y a un honneur pour justement l'insan. Donc, il dit subhanahu wa ta'ala, ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون. Donc il nous montre ici Allah subhanahu wa ta'ala en disant: donc c'est lui le connaisseur de l'inconnu et du visible, le puissant, le miséricordieux, qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Puis il tira sa descendance d'une goutte d'ovile, donc le sperme. Puis il donna sa femme parfaite et lui insuffla de son esprit. Et il vous a assigné l'ouïe, les yeux, le cœur, pour que vous êtes... non, que vous êtes peu reconnaissant, que vous êtes peu reconnaissant. Donc ici on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va commencer ici, donc comment justement elle a commencé à partir de l'argile. Les gens se posent la question, pourtant l'argile, c'est plus pour nous. On sait que ça commence par une de sphère, une inférieure. Mais lorsqu'il parle de l'argile, donc il commence par Adam, alayhi salam. L'argile, donc c'est pour comprendre que notre père, Adam, alayhi salam. Et après, donc de quoi il veut, puis il tire à sa descendance, comme vous voyez ici. Donc Mintin, c'est par rapport à Adam. Puis il tire à sa descendance. Donc les humains, tous ceux qui sont venus après Adam, à l'Israël, d'une goutte donc de sperme. El-Jenin, donc El-Jenin, dans la langue arabe, Yaqou, il y a les Jannaché, Jannaché, Satara. El-Jenin, donc c'est le fait de le cacher, le fait qu'il soit caché. Lorsqu'on entend El-Jenin, Al-Jinn, Al-Jinn, donc tous ces mots-là ont la même racine. Ils ont la même racine. Lorsqu'on parle du Jinn, on lit en français quoi, déjà rien touffu. Pourquoi touffu? Parce qu'en fait, il y a énormément d'arbres ou de fleurs qui sont proches les unes des autres, parce que si quelqu'un rentrait à terre, on ne le verrait pas. Donc il serait caché par justement ces arbres ou ces fleurs qui seraient donc rapprochés. Al-Jinn, on ne le voit pas. Al-Jinn, il est à l'intérieur du ventre. Donc tout cela a à voir avec le mot donc satara par rapport à ce verbe. Donc le fait qu'il soit caché. Wa kullu shay'in satara yanka faqad jannah anka. Donc chaque chose qui a été cachée en fait donc jannah anka, donc d'où le mot al-jinn. Et Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne. Falamma janna 'alayhi ra'a kawkaba. Et quand la nuit l'enveloppa, donc il observa une étoile. Jannah 'alayhi. Il l'enveloppa, donc ici il observa une étoile. وجعل السبب لتناسله يمكن في ذلك الماء المهين الذي استقر في الرحيم تحول بعضه بعد حين إلى علقة التي تعلق في جدار الرحيم. Donc, cela donc, est une cause pour justement donc, la procréation par rapport à cette eau donc, qui est vide et qui s'accroche dans le rahim et qui va changer, qui va devenir donc ici une alaha. Donc, cette chair, cette morceau qui va être adhérent. Il s'accroche au mislinok, ils appellent ça jidal rahim. Donc, le mur hein, de la matrice. Wahyaqi'a khatubdan min hamra. Donc, l'alaha qui est un morceau de sang qui est rouge. Un morceau de sang qui est rouge. ثم تحول بقدرة الله عز وجل وبأمره إلى مضغة التي تتشكل وتتصور. Et après, donc, ce morceau de sang rouge va changer à un morceau de chair et qui va prendre forme, qui va ici donc prendre forme. ثم إلى العظام التي تكسي بعد ذلك باللحم والعصب. Et ce morceau-là, donc, il va être composé. Il va être composé, donc, il va se retrouver en. Donc, il va former donc, cette viande-là, donc les artères ou autres, les nerfs autres, ainsi aussi que les os. ثم يكون خلقا آخر يختلف اختلافا كليا عن مبدئه فتبارك الله أحسن الخالقين. Et après, donc, lorsque l'enfant est formé, il n'a rien à voir avec ce que c'est au début. On voit donc une créature totalement différente de ce que l'on voyait au début. Donc, bien sûr, donc, gloire à Allah. Le meilleur des créateurs. Gloire à Allah, donc le meilleur des créateurs. Mon mabda'u, le khak, le khak, le jami, il y a koud, rayba mutlaqan, li jami, le khak. Thumma yakun nisbiyan, li ba'dihi, ba'd, an yatali a'u Allah Azza wa Jal, ma sha'minhu, wa zalika has al marahil wa ahwal, kama warada fi sunnah. Donc au départ, on ne sait rien de tout cela. Et c'est totalement donc invisible. Donc Allah Azza wa Jal ne montre rien. Puis après, ça devient ici. Ça devient ici donc partiel. Certaines choses commencent à être connues, car Allah Azza wa Jalla le montre à qui il veut de se traduire donc, selon en réalité les étapes donc passées. Comme il est retrouvé donc, dans la Sunna, et le Hikmah de Rabb tout à l'inchallah. Wa yaqulu ta'ala, ya ayyuhan nas, in kuntum fi raybin min al-ghayb, afwa min al-bahr, fa inna khalaqnakum min turab. ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة نبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنهم يتسوق. ومنهم يستوقع ومنهم من يرد إلى أظهر العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. Donc voici ici comment Allah Azza wa Jalla nous crée. Et regardez aussi donc des étapes, non seulement dans le djinn, mais aussi dans la vie d'ici-bas. Dans la vie d'ici-bas. Allah dit donc au homme, si vous luttez au sujet de la résurrection, c'est nous qui nous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon formé aussi bien qu'à forme, pour vous montrer notre omnipotence. Et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis nous en sortirons à l'état de bébé, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vite de l'âge. Si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissent auparavant. De ce qu'ils connaissent auparavant. فَيَقُلُ قَرْطُوبِ رَحْمَ اللَّهِ وَالْمَعْنَى أَيُّهَا النَّاسِ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍ مِنَ الْإِعَادَةِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ أَيْ خَلَقْنَا أَبَاكُمْ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الْبَشَرِ يعني آدم من تراب ثم خلقنا ذريته من نطفة وهو المليء سمي نطفة لقلته وقد يقع على الكثير منه ثم من علقة وهو الدم الجامد والعرق الدم الهبيط أي الطريق وقيل شديد الحمرة ثم من مضغة وهي اللحمة قليلة قد ما yamda. Donc ici, l'imam al-Qurtubi rahimahullah explique donc ce verset dans le tafsir. Et il dit, le sens est aux gens, si vous avez un doute de la résurrection, du fait que vous allez revenir vers Allah, certes nous avons créé, donc nous avons créé votre père, qui est l'origine donc, de l'humanité, à partir de terre, Mintura. Puis nous avons créé sa descendance à partir de la Nutfa, donc qui est donc elle mène le spermatozoïde, qui a aussi donc le Nutfa, car il se peut qu'avec très peu, donc la personne vienne. Et on peut appeler Nutfa pour ce qui est peu et pour ce qui est aussi beaucoup. Et après cela, Nalfa, donc ce qui adhère, qui est donc le sang qui est séché. Donc c'est aussi donc ce sang-là qui est, on peut l'appeler comme ça, car il est aussi fortement rouge, car sa couleur est fortement rouge. Et après le Moudra, après cela donc le Moudra donc c'est la chair qui s'est mâchée, car on voit comme s'il y avait donc ici donc comme si on l'avait mâché donc d'une certaine façon. Amma fi sunna ma rawahu al-shaykhan an Anas ibn Malik an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal إن الله عز وجل وكر الرحيم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد الله أن يقتل حقه فقد أذكر أنثى الشقي أم سعيد فما رزق فما الأجل فيكتب في بطن أمه إلى قدر حديث عن فاصل نقص حديث في رابطة عمام البخاري الإمام مسلم وأنس rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah azza wa jal donc a wakala, donc il a choisi comme suppléant ou qu'il a donné donc le rôle au Rahim, un ange, et lui dit, et l'ange dit, oh Seigneur, il y a un ange qui aura ce rôle de s'occuper du Rahim, il dit, oh Seigneur, notfa, une goutte, oh Seigneur, alaqa, donc le sang, oh Seigneur, montra, la chair. Et après il demande, et lorsqu'Allah aura décidé donc, de créer, il dira, donc l'ange questionnera ici, il dira donc garçon ou fille, donc femme, masculin ou féminin, heureux ou malheureux, quelle est sa subsistance et quel est son temps. Et puis il sera écrit donc dans le ventre de sa mère. Et il y a d'autres hadiths que vous connaissez dans les années 40 jours, 40 jours et 40 jours. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما في الأرحام وهذا العلم يختص به عز وجل يختص به عز وجل إلينا بعض الأدلة من القرآن والسنة. Donc on voit que cette science elle est pure à Allah subhanahu wa ta'ala. Il demande à l'ange donc de faire un certain rôle, mais pourtant l'ange donc questionne Allah subhanahu wa ta'ala. L'ange ne connaîtra que ce que Allah azza wa jalla lui aura donné. Donc lui aura simplement dit de savoir. ويقول تعالى إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه. À lui revient la connaissance de l'heure. Aucun fruit ne sort de son enveloppe, aucune femelle ne conçoit, ni ne met pas, sans qu'il en ait la connaissance. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah, et c'est lui qui fait tomber la pluie donc abondante, et il sait ce qu'il y a dans les matrices, et personne ne sait ce qu'il acquérera demain, et personne ne sait sur quelle terre il mourra. Certes Allah est omniscient et parfaitement connaissant. Ali Moutrebi. Donc si déjà donc, ces deux noms sont venus ici, donc ils sont associés, pour montrer que non seulement il est savant, mais en plus donc sa science elle est fine. Donc il est Khébé. Il a aussi donc l'expérience, subhanahu wa ta'ala, donc il a la connaissance qui est donc totale de cela. Wa qala Qurtubi rahimahullah, hadi al-khamsa لا يعلم الله لا يعلمها إلا الله ولا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل فمن ادعى أنه يعلم شيئا منها فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه يعني خالفه. Donc l'imam al-Qurtubi rahimahullah dit, ces cinq choses seul Allah subhanahu wa ta'ala les connaît. Ces cinq choses seul Allah subhanahu wa ta'ala donc les colons, ni un ange qui sera rapproché, ni un envoyé, donc un messager qui sera envoyé. Et celui qui prétend connaître quoi que ce soit de cela a donc mécru, car le livre car il a été sûr, en contradiction avec le Coran, car il a été en contradiction avec le Coran. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله ويعلم ما في الأرحام فلا يعلم أحد من الناس ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو سعيدا أو شقيا علم الملائكة الموكلون بذلك من شاء الله من خلقه. Donc l'imam al-Qurtubi رحمه الله donc il dit ici, donc, ces cinq choses-là, donc ces cinq choses que l'on a vues auparavant, seul Allah Azzawajal est connu. Ni un ange rapproché, et ni un prophète qui est envoyé, ou ni un messager envoyé. Donc, il dit que c'est la foi, Rahmallah, donc il dit par rapport à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et il connaît ce qu'il y a dans les matrices. Personne donc ne connaît parmi les gens ce qu'il y a dans les matrices. De ce qu'Allah Azzawajal veut créer, subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah Azzawajal a décidé que ce sera un garçon ou une fille, lorsqu'Allah va ordonner cela, ce sera donc un garçon ou une fille, heureux ou malheureux, le fera connaître à ses anges, hein, donc qui ont la responsabilité de cela, et aussi qui il veut, donc de sa créature. Il avait dit ici, donc qui il veut de sa créature. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, le sait, il nous l'a enseigné, et donc parmi les croyants, donc, les gens le savent. On voit bien le qui il veut de sa créature. Donc si nous maintenant, à l'heure actuelle, on dit, ben maintenant on sait ce qu'il y a dans le ventre, Allah subhanahu wa ta'ala donc aussi a dit qu'il y aurait des choses dans le ventre, donc sans que ce soit après caché. Donc ça ne rentre pas dans le ilm, le réel, le mot clair. Mais il devient mystique. Il devient en vérité donc ici mystique, par rapport au fait de savoir si c'est un garçon ou si c'est une fille. Donc on a terminé pour ici, et reprendra Inch'Allah le reste de cela demain, en terminant avec le Firasa, et ainsi que la science donc, de l'indicible chez les anges et chez les prophètes. Barakallahu fikoum, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.